Améliane. Chapitre 1er. L'approche du connétable. 7 heures du soir sonnaient au beffroi de l'église des Accoules de Marseille. Le soleil venait à peine de disparaître en s'abîmant dans les flots de la Méditerranée, et déjà presque toutes les portes étaient closes. La plupart des quartiers de la ville étaient déserts. Seulement, par intervalle, dans les rues solitaires passait une patrouille silencieuse. Un instant, le pavé résonnait sous les pas lourds et mesurés des soldats, puis tout redevenait monotone. À peu près vers le milieu de la rue de la prison existait alors un palais somptueux qui avait été bâti vers l'an 1460 par les ordres de René, dernier comte de Provence. Cet édifice n'avait guère que 2 étages qui comptaient chacun 6 hautes et larges fenêtres. Des pierres taillées en relief garnissaient en entier la façade. Une des fenêtres du premier étage s'ouvrait sur un balcon dont le soutènement était orné de quelques sculptures. Depuis quelques mois, Antoine de Glandeves, viguier et gouverneur ordinaire de Marseille, l'avait choisi pour y fixer sa résidence. Les alentours du palais, bien différents des autres quartiers de la ville, étaient encombrés par une multitude agitée. On eût dit que toute la population s'y était donné rendez-vous. Les rues affluentes, les places des Incans et du palais de justice, étaient occupées par des groupes nombreux. Les uns conversaient à voix basse, les autres demeuraient silencieux, mais tous étaient profondément impressionnés. À l'étage supérieur, à travers une jalousie à peine entr'ouverte, se trouvait une jeune fille qui, la tête appuyée dans ses mains, paraissait vivement préoccupée. Elle portait une robe bleu foncé serrée à la taille. Ses cheveux bruns, lissés en bandeaux sur son front, n'avaient pour toute parure que quelques perles entrelacées. Un collier et des bracelets d'or ornaient son cou et ses bras demi-nus. Elle pouvait avoir de 18 à 20 ans et paraissait admirablement belle. Sa préoccupation durait depuis longtemps. Sans doute qu'elle était douloureuse, car, triste, immobile, elle écoutait. Et quand quelques voix plus distinctes, dominant le bourdonnement confus qui s'élevait de la foule, frappaient ses oreilles, alors, relevant vivement la tête, un soupir s'échappait de son sein, une larme perlait au bord de sa paupière, et son front assombri reflétait les angoisses de son âme. Puis, un rayon d'espoir illuminait son regard. « Marseille est invincible, » murmurait-elle. Mais peu à peu, sa tête alourdie cherchait de nouveau l'appui de ses mains. Elle reprenait le cours de ses pensées. Or, les conversations du peuple et les réflexions de la jeune fille avaient les mêmes causes, tous voulaient prévenir les mêmes dangers, tous redoutaient les mêmes malheurs. Charles de Bourbon, connétable de France, mais traître à sa patrie, alors au service de l'empereur Charles Quint, s'avançait à la tête de 25 000 hommes pour conquérir la Provence. Après avoir tout soumis sur son passage, il venait de s'emparer de la ville d'Aix et s'apprêtait à marcher sur Marseille pour en faire le siège. Cette cité n'était point alors, comme de nos jours, une simple ville de commerce. Elle était entourée de fortes murailles et défendue par de hautes et nombreuses tours. Son enceinte ne comprenait que ce que nous appelons aujourd'hui la vieille cité. Les prétentions de nos rois sur le Milanais avaient contribué puissamment à fortifier cette place. En cas de besoin, elle pouvait être utile pour effectuer une descente en Italie. François Ier, en apprenant les projets de Charles de Bourbon, envoya au secours de Marseille Philippe de Brion pour gouverner pendant le siège, de Miradel, commissaire des fortifications du royaume, pour diriger les travaux, et Ranzo de Cérès à la tête de 6 000 soldats pour commander les troupes. Le 15 août 1524, on reçut à Marseille la nouvelle que l'armée de Charles de Bourbon s'avançait. À l'approche du connétable, tous les habitants en état de porter les armes jurèrent de mourir pour la défense de la cité. Les sentinelles furent doublées sur les remparts, puis le grand conseil, composé des 80 conseillers ordinaires, des plus riches citadins et de tous les chefs militaires, se réunit à la hâte dans le palais du gouverneur. Le peuple qui stationnait autour du palais attendait l'issue du conseil. Le seigneur de Brion l'avait présidé. Ranzo de Cérès avait parlé de la valeur de ses troupes. De Miradel avait assuré que les fortifications, courageusement défendues, seraient imprenables. 4 capitaines, choisis parmi les Marseillais les plus braves, avaient reçu le commandement des principaux quartiers. De plus, Antoine de Glandeves avait fait aux jeunes gentilshommes une solennelle promesse. Cette récompense, ardemment convoitée de tous, devait couronner la valeur la plus éclatante. La nuit était tout à fait venue. Le viguier parut sur le balcon, escorté par des hommes d'armes portant des torches. À sa vue, une rumeur soudaine s'éleva de la foule, mais bientôt un profond silence succéda au tumulte. Le gouverneur exhorta le peuple à la défense la plus héroïque et proclama les quatre capitaines qui devaient le conduire à la victoire. La jeune fille dont nous avons parlé, subitement tirée de sa rêverie, prêta l'oreille pour saisir au vol le nom des principaux commandants. Quand le viguier quitta le balcon, elle resta pensive, regardant s'écouler la foule, jusqu'au moment où une faible lumière vint éclairer l'appartement qu'elle occupait. Elle se retourna vivement. À quelques pas derrière elle, apparaissait une femme déjà sur le déclin de l'âge tenant un flambeau à la main. La nouvelle venue pouvait avoir de 50 à 55 ans. Elle était de petite taille et remarquable par la douceur de sa physionomie. C'était la nourrice de la jeune fille. « Dame Améliane, dit-elle, je viens vous apporter des nouvelles du conseil. « Toi, Catherine, m'apporter des nouvelles du conseil? Et qui donc te les a données ?»« Mon fils, ne sait-il pas tout ce qui se passe ?» Un nuage voila le front de la jeune fille. Valentin est tout joyeux parce que Monseigneur Charles de Mantoue, son maître, un de nos vaillants gentilshommes, est nommé commandant de la Blanquerie. Améliane fronça le sourcil. La nourrice l'observait. « Elle n'aime ni l'un ni l'autre, » pensa-t-elle. « Et de Messire Guillaume du Puget, en sais-tu quelque chose ?» demanda la jeune fille en hésitant. « Rien, mon enfant. Il n'était point au conseil. Et son nom n'a pas même été prononcé, » m'a dit Valentin. Un sourire amer effleura les lèvres d'Améliane. « Mon fils en était étrangement surpris, » continua Catherine, « car tout le monde connaît la bravoure du chevalier et l'amitié dont l'honore Monseigneur de Glandeves, votre père. Mais en revanche, on s'est grandement occupé de vous, dame Améliane. »« De moi ?» s'écria la jeune fille étonnée. « Mon très digne maître vient de jurer en pleine assemblée qu'il accordera la main de sa fille, très haute, très noble dame Améliane de Glandeves, à celui qui, par ses exploits, sauvera Marseille. » Améliane se releva avec effroi. Une pâleur mortelle se répandit sur ses traits. Vainement, ses mains appuyées avec violence sur son sein voulurent en comprimer les battements. « Catherine, es-tu sûre que mon père ait fait ce serment ?»« Oui, dame Améliane. Mais pourquoi ce trouble ? Êtes-vous effrayée de l'honneur qui vous attend ?» La fille du viguier ne l'écoutait plus. Un monde de pensées avait envahi son esprit. La terreur agitait son âme. Son sort était lié aux destinées de sa ville natale. Relevant enfin son front abattu, « Catherine, dit-elle résolument, il faut que demain tu retrouves Messire du Puget. Tu lui diras que Marseille a besoin de son bras et que la dame de Glandeves compte sur sa vaillance. Oui, dame Améliane. Et surtout que Valentin ignore. Vous serez obéi, répondit tristement la nourrice. Elle déposa sur le front de la jeune fille deux baisers où la tendresse le disputait au respect et s'éloigna. Il est donc bien vrai qu'elle n'aime pas mon fils, pensait-elle. Mais pourquoi? Elle est pourtant si bonne.